Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Beau les cœurs. Suite à l'action Slam Alam très féconde en 2018, le collectif des radios locales des Vosges lance un nouvel appel poétique. Une action soutenue par les collèges lycées des Vosges, notamment le collège du Tillot et de Contrexéville et le lycée de Bruyères. Par les médiathèques du département, par Culture Séno du conseil départemental et les associations littéraires des Vosges. Des prix du public seront attribués. Vous êtes donc auditeurs appelés ainsi après chaque émission à nous faire part de vos coups de cœur. Un regroupement des meilleurs poèmes créera un lien final. Et aujourd'hui, pour notre quatrième émission, nous allons écouter la classe de 6e 6 du collège du Tillot. Très bonne écoute. Alexis, 6e 6. Le chat, sa douceur, sa couleur, le ciel, le bleu, les nuages cotonneux, les poissons de toutes les couleurs, un bonheur. Et l'odeur de la mer pleine de douceur, c'est beau, c'est la joie d'un villageois. Alicia, 6e 6. Les sentiments, la beauté des sentiments. Il y a l'amour qui durera toujours, il y a la colère qui se balade dans l'air, il y a la tristesse qui nous fait devenir tigresse, il y a la joie des plus grands, il y a la peur qui nous fait regarder l'heure. Arthur, 6e 6. Dans les montagnes au sommet enneigé, le temps est varié, mais pluie et soleil donnent un arc-en-ciel. Axel, 6e 6. La rivière. La rivière est belle, comme toute rivière, elle ruisselle. Elle fait partie d'un paysage que l'on oublie point avec l'âge. Elle dégage un son strident qui réveille les gens. Si l'on met la main dans l'eau douce, elle révèle sa froideur douce. Bref, elle s'amuse, elle ruisselle, c'est la Moselle. Sélénia, 6e 6. L'orage. L'orage dans le ciel nous émerveille quand il y a des éclairs. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière ou la nuit, quand il n'y a plus de bruit, il nous éblouit. On est parfois impressionné de le voir s'éclairer et gronder. Il est parfois effrayant pour les enfants. Les éclairs sont partout sur la terre, que ce soit en hiver ou en été. Clara, 6e 6. La beauté de l'été. La chaleur fait fondre le beurre, le soleil attire les abeilles, réchauffe la terre et les rivières. L'été, c'est ma saison préférée. Enzo, 6e 6. Les montagnes et la mer, les chats et les champs, la lune et le soleil, la musique dans le vent. Géronime, 6e 6. La forêt. La forêt est si belle. Elle peut être vierge ou amazonienne. Remplie de conifères ou de feuillus, en toute saison, elle m'ensorcelle. Ilknour, 6e 6. Mon poème. La planète est si coquette. Les animaux sont si doux, comme des doudous. C'est l'été, la mer est salée. On écrit des poèmes très âgés. Jamine, 6e 6. La nuit est comme le fond d'un puits. Et la lune, il n'y en a qu'une, mais elle éclaire la terre. Jovan, 6e 6. La montagne. Les animaux sont doux comme les loups, les poux. Non, pas les poux. La montagne qui gagne le haut des sommets, avec les arbres au complet, le soleil dans le ciel, sur le dos d'une abeille. L'odeur des fleurs est comme les campeurs qui grillent des chamallows en regardant le ciel qui est si beau. Léa, 6e 6. Les sentiments. Le ciel coloré comme ensorcelé. L'odeur de la mer avec un petit goût amer. Le soleil lumineux qui éclaire les cieux. La vue du haut de la montagne jusqu'à la campagne. Le silence de la prairie, même si on entend les souris. La forêt danse tout en silence. Le sable fin où tu enfuis tes pieds sans fin. New York dans la nuit sans aucun bruit. Louis, 6e 6. Sur cette terre. L'air forme cette terre. L'eau nourrit ses animaux. Le soleil est comme un arc-en-ciel. J'aime la montagne. Dans le paysage, il y a des nuages. J'aime la ville comme une île. J'aime l'orange comme l'orange. Avec mon œil, je vois des feuilles belles. Marie-Lou, 6e 6. Le soleil nous émerveille quand il est chaud. Il fait beau dans toute sa splendeur. Il fait éclore les fleurs. Partout où il va, il sera toujours avec toi. Pierrick, 6e 6. Simplicité. La moto, la flaque d'huile, les couleurs des papillons, l'océan bleu, l'océan vert. Pour moi, la beauté, c'est la simplicité. Riyad 6ème 6. L'été. J'aime le ciel bleu d'été avec un paysage ensoleillé. Le coucher du soleil sur la plage dorée, c'est ma beauté. Je me souviens de ce doux bruit que la mer faisait ainsi, se frottant sur le sable chaud, ramenant ainsi les coraux. Sabrina 6ème 6. L'univers. L'univers si lumineux et les étoiles si brillantes m'envahissent et me hantent dans le ciel merveilleux. Les planètes si colorées et même peut-être argentées me donnent des frissons, telle la sensation face à un lion. La lune blanche, blanche comme les nuages, dans la lointaine galaxie, éblouie par nos yeux écarqués. Séraphin, 6ème 6. Voyage en Crète. Je me souviens de la Crète, je me souviens de la mer du bout de mon index. Je me souviens de la brise au goût si salé. Je me souviens des oiseaux qui chantent si beau. Je me souviens de ce rêve au soleil couchant. Tosca, 6ème 6. Lorsque le soleil se cacha et que la lune se montra, les étoiles se mettent donc à briller. Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Vous venez pour la 4e émission Beau les cœurs d'écouter la classe de 6ème 6 du collège du Tillot. Sachez que vous êtes les bienvenus à participer. Faites-nous parvenir vos poèmes sous forme sonore, fond musical possible, par clé USB ou y transfert à beaulescoeurs@radiogemozo.eu ou sous forme écrite, nous lirons les textes sur l'antenne à Radio Gemozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne, les Remiremont. Cette émission sera rediffusée samedi à la semaine prochaine. Arraché à tes jours.